Chapitre 5e. Par une après-midi d'octobre, maussade, grise, sur le coup de 2 heures, les portes d'une des grandes salles de Paris, encadrées pour la circonstance d'affiches voyantes au haut desquelles flambait en lettres rouges le mot Holoferne, s'ouvrirent devant un groupe compact de curieux, attirés les uns par le désir d'occuper une journée ennuyeuse, les autres par l'attrait d'une nouveauté dont on parlait. L'affaire avait été lancée avec adresse. Le mystère qu'on faisait du nom de l'auteur, caché même aux artistes qui concouraient à l'exécution de l'ouvrage, avait piqué la curiosité des amateurs et celle des badauds. Beaucoup avaient souri d'abord. Les auteurs qui ne se font pas connaître inspirent d'ordinaire peu de confiance. Plus tard, les indiscrétions des musiciens de l'orchestre, des choristes, celles de quelques privilégiés qui forçant la consigne s'étaient faufilés aux répétitions, avait éveillé l'attention et répandu jusque dans les journaux le bruit qu'une œuvre sérieuse était née. Par un heureux hasard, la chronique était en cette semaine mélancolique, fort en peine de sujet. La politique chômait, les tribunaux n'avaient ni drame ni scandale, les théâtres n'avaient pas de pièces nouvelles. On s'était amusé, faute de mieux, de cette énigme. Les courriéristes, tenus de ne rien ignorer, avaient imaginé des fables aussi ingénieuses que variées, qui attribuait cette Holoferne anonyme, celle-ci à une grande dame, celle-là à un député en vue, cet autre à un homme de finance. D'aucuns voulaient absolument qu'il appartînt au jeune musicien qu'il allait présenter au public. À tout prendre, la supposition n'avait rien d'invraisemblable, bien qu'il fût assez difficile d'expliquer quel intérêt un débutant, maître déjà d'une petite notoriété, trouvait à mettre un masque. Mais ses précédents essais n'avait pas fait grand bruit et on pouvait sans injure le soupçonner d'une supercherie autorisée par des exemples presque célèbres. Lorsqu'il monta au pupitre, salué par la cacophonie des instruments qui s'accordaient et qu'il examina l'auditoire, il eut un sourire d'orgueil. Avec la sûreté de coup d'œil que donne la science à des têtes parisiennes, il avait reconnu le terrain. La bataille allait se livrer devant une fraction importante de ce public spécial qui rend à Paris des arrêts sans appel et dont le caprice fait ou défait les réputations. C'était déjà un succès. Il leva l'archet, et le trémolo qui entamait l'introduction s'éleva, dominant le vacarme des arrivées tardives et le bourdonnement des conversations. La première partie n'avait pas de grands effets. En dehors d'un final d'allure religieuse, à la majesté duquel se mêlaient, par une invention assez originale, les bruits éloignés du camp d'Holoferne, où les soldats de Nabuchodonosor fêtaient par une orgie la chute prochaine de Bétulie affamée. Il provoqua un mouvement de surprise, suivi d'une salve de bravo bien nourrie. Plusieurs morceaux avaient été applaudis avec vigueur, mais sans qu'on pût séparer la part d'applaudissements qui s'adressait au mérite du compositeur de celle qui allait au talent des interprètes. Dans les coins de la critique, on gardait encore une réserve défiante, bien qu'on y fût unanime à reconnaître que la conception n'était pas banale, que ni le livret ni la partition ne recommençaient les Judiths connues. Le prélude de la deuxième partie, 50 mesures, d'une couleur exquise, fut bissé. Un chœur fut immédiatement après redemandé tout d'une voix. Le feu était aux poudres. Les connaisseurs remarquaient bien quelques trous, pour parler l'argot musical, qui trahissait l'inexpérience. La partie mystique avait bien d'étranges airs de messe. En revanche, dans tous les morceaux dramatiques, apparaissait un tempérament de compositeur, peu formé encore, mal instruit des ressources savantes de l'orchestration, des secrets qui soutiennent ou remplacent l'inspiration, mais étonnamment sincère, souple et viril, riche de promesses. Il y avait à côté d'adorables tendresses, d'une grâce infinie, de puissants éclats. Ce fut au milieu d'une tempête d'enthousiasme que mourut le dernier accord. Un double rappel ramena 2 fois sur l'estrade Alice Cavalier. Elle avait chanté en grande artiste et certainement elle avait sa large part à réclamer dans ce triomphe. Le second entracte fut plein de bruit et de mouvement. Le mystère, patiemment supporté à l'heure où le succès était encore incertain, devenait maintenant irritant. On s'interrogeait. Les lorgnettes fouillaient les loges. Quelqu'un découvrit dans l'obscurité d'une baignoire, au bourrelet de laquelle se détachaient sur le fond d'ombre les têtes dorées des 2 fils d'Alice Cavalier, une forme noire, singulière, qui se dissimulait. La découverte, colportée de bouche en bouche, mit en émoi 2 ou 3 bancs. 100 têtes se dressèrent et se tournèrent. On tenait l'auteur, ce ne pouvait être que lui, on allait l'apercevoir. Quand les yeux se furent bien écarquillés, un chuchotement courut. Des rires jetèrent dans les murmures leurs notes aiguës, les curieux se rassirent, doucement égayés. La méprise était plaisante. Cet auditeur qui se cachait, c'était un prêtre, le précepteur des enfants sans doute, venu sur la foi de l'étiquette biblique, justement scandalisé de trouver, à la place de l'oratorio sacré qui paraissait promis par le titre, un opéra passionné. La dernière partie commençait. On ne s'occupa plus que d'écouter. Elle n'avait pas les grands élans de l'autre, mais une couple de larges inspirations, corrigeant la gravité monotone des chants religieux qui l'encombraient et célébraient le triomphe du peuple de Dieu, soutinrent jusqu'au bout l'impression que celle-ci avait laissée. Personne ne regardait plus la baignoire qui avait un instant servi de point de mire. Il s'y passa pourtant une petite scène digne d'attention. Aux dernières mesures de l'hosanna qui terminait l'ouvrage, l'homme à la soutane avait surgi, pâle, serrant de ses mains tremblantes les bras des deux petits garçons. Il cherchait à les entraîner, mais ceux-ci résistaient, s'accrochaient au fauteuil. La lutte se prolongea jusqu'au moment où s'élevèrent les applaudissements de la fin. Il fit alors, comme terrifié, un effort violent, les enleva pour fuir. Mais au moment où il passait le seuil de la loge, un silence se fit. Il demeura immobile, haletant. La voix grave de René Marais annonça, répondant au cri qui demandait l'auteur, que l'auteur du livret et de la partition entendait rester inconnu. Des protestations se mêlèrent aux bravos. Il avait disparu en courant. La salle était encore pleine de tumulte quand déjà la voiture qui emmenait l'abbé avec ses deux petits compagnons roulait sur le macadam des boulevards. Il y était tombé, inerte, secoué par une crise nerveuse, mais insensiblement le calme et la lucidité lui revinrent. Le coupé courait au grand trot à travers l'encombrement joyeux, affairé. Les magasins et les cafés s'illuminaient à l'approche de la nuit. Il mit la tête à la portière, pris d'un immense désir de voir et d'entendre, de respirer l'air de ce Paris qui ne lui avait jamais paru aussi beau, auquel il se sentait attaché maintenant par un lien étroit. La tranquillité du modeste appartement d'Alice Cavalier acheva la guérison. Il avait été convenu qu'il y attendrait son retour. Les garçonnets, qui le traitaient avec la familiarité de vieux amis, vaincus par la fatigue, s'étaient endormis sur un canapé à côté de lui, laissant flotter sur ses vêtements noirs leurs longues boucles blondes. Les rumeurs de la grande ville n'arrivaient plus à son oreille, qu'adoucie par l'éloignement comme un murmure caressant. C'était, pour tous les ménages réunis sous ce toit parisien, l'heure où le travail terminé, les absents rentrent, où l'intérieur s'égaie. Aux fenêtres des voisins qui s'éclairaient les unes après les autres, se montraient de fugitives apparitions qui faisaient deviner des jeux et des baisers. L'image de la maisonnette silencieuse, où il était attendu, lui passa devant les yeux. Mademoiselle Françoise, à cette heure, allumait sa lampe et s'armait de son éternel tricot. Le village s'endormait dans la profonde tristesse de la nuit tombante. Ici, c'était la vie. Là-bas, c'était la mort. Vivre, quel rêve! Vivre dans ce Paris, travailler, triompher, être le mari de cette femme, le père de ses enfants. L'hallucination qu'il avait bercée chez lui le reprenait avec plus de force encore. Il s'abandonnait sans résistance dans une sorte d'engourdissement voluptueux. La sonnette tinta. Les petits dormeurs, réveillés en sursaut, sautèrent du canapé. « Mère, mère !» Il y eut dans l'antichambre des embrassements sonores, des rires. Elle entra vivement, vint à lui, les mains tendues. Ils demeurèrent ainsi, pendant quelques minutes, face à face, les mains jointes. De cette étreinte prolongée montait une douce chaleur qui lui gagnait insensiblement le cœur et la tête. Son regard se fixait hardiment sur ses grands yeux noirs qu'il avait si violemment troublés le jour où, à cette même place, il leur avait fait pour le comte d'Holoferne des déclarations d'amour. Sur ses joues qu'enfiévrait encore l'ardeur de la bataille, sur ses épaules nues que la robe décolletée découvrait maintenant. Elle se dégagea. Elle parut un instant gênée et rougit même un peu, mais ce ne fut qu'un éclair. Elle s'assit près de lui. Elle était entièrement possédée par la joie du double succès que cette journée venait de leur donner à tous deux. Elle parla longtemps, sans ordre, mêlant confusément les souvenirs et les espérances, riant et pleurant. Il n'entendait pas, il ne retenait que les mots séduisants de gloire et de fortune. La fortune, il l'avait. La gloire, il pouvait la conquérir. Il n'avait qu'à livrer son nom à ce public qui venait de le réclamer. Et un avenir brillant s'ouvrait devant lui, qui réalisait tous ses désirs, donnait satisfaction à tous ses goûts, le délivrait de la contrainte qu'il s'imposait depuis tant d'années. N'était-ce pas Dieu lui-même qui, en lui prodiguant coup sur coup tant de faveurs inespérées, lui faisait connaître sa volonté, l'appelait à d'autres destinées? Tout ce que la vie a de bonheur vrai, de saines et fortes affections lui était offert. Un foyer l'attirait où manquait un mari et un père, où il était certain de trouver une compagne honnête et fière, éprise de l'art qui le captivait, déjà unie à lui par le lien d'une victoire partagée, une compagne qui le comprendrait, l'encouragerait, lui inspirerait des chefs-d'œuvre auxquels elle prêterait l'aide de son talent, à qui l'apporterait lui la richesse, un nom en passe de devenir célèbre. Il ferma les yeux, le vertige le prenait, une résolution implacable, celle de l'homme qui court à l'abîme, s'était subitement emparée de sa volonté, l'entraînait. Il n'hésitait plus, il était prêt à prononcer le mot qui allait décider de sa vie, il parla. Mais la violence de l'émotion qui l'étouffait paralysait sa langue, confondait ses pensées. Un effroi irraisonné arrêtait sur ses lèvres l'aveu prêt à s'échapper. Elle écoutait ces phrases embarrassées, obscures, qui lui semblaient des énigmes, surprise et intéressée cependant par ce discours confus où il était question de l'amour, des joies et des devoirs de la famille. Voyant qu'il ne s'en sortait pas, elle vint à son aide avec un sourire un peu railleur. « Que de peine vous vous donnez, mon cher abbé ! Et comment s'aperçoit que ces sujets ne vous sont pas familiers ? Savez-vous que votre serment est tout à fait incompréhensible ? Jouons cartes sur table, voulez-vous ? C'est René qui vous a chargé de me parler ainsi. Il a supposé que vous seriez un ambassadeur éloquent, et qu'en cette heureuse journée, je ne vous saurais rien refuser. Vous faites l'étonné, ne niez pas, et bien puisqu'il vous a livré notre secret, je vous dirai la vérité tout entière. Ce n'est pas l'ami qui me jugera, c'est le prêtre habitué à guider les consciences. L'autre jour déjà, dans votre église, l'idée m'était venue de me confesser à vous. Soyez mon confesseur, c'est une pénitente qui vous ouvre son âme et vous demande de lui dicter sa conduite. Entraînée par le souvenir des habitudes religieuses de son enfance, elle s'était à demi agenouillée sur les coussins. Il s'affaissa lourdement et se cacha le visage dans les mains. Terrible réveil. Il avait oublié dans son égarement qu'il était lié par des vœux éternels, et c'était elle qui le rappelait qu'il était prêtre. Elle n'avait rien deviné, le soupçon ne lui était même pas venu que sous la soutane il pouvait y avoir un homme. Elle lui dévoila simplement un simple roman. Elle était aimée par René Marin, elle l'aimait, mais il l'avait en vain pressé de s'unir à elle, elle avait toujours refusé. La misère lui faisait peur, non pour elle-même, non pour lui, mais pour ses enfants. La résolution qu'elle avait prise de ne plus rentrer au théâtre la condamnait à de maigres salaires. Il avait de son côté une position presque nécessiteuse. La mauvaise chance s'obstinait à lui fermer les chemins, d'ailleurs encombrés, qui peuvent mener un jeune artiste à la fortune. Il n'était aidé, dans la lutte stérile où il usait ses forces, ni par un de ces talents qui font irrésistiblement leur trouée, ni par un de ces courages qui viennent à bout de tous les obstacles. Excité par le bruit qui s'était fait en ces derniers jours autour de son nom, il était revenu à la charge plus ardent. Elle avait persisté dans ses refus, mais son cœur plaidait avec énergie contre sa raison. L'heure était décisive, de l'issue du combat qui se livrait deux existences dépendaient. Fallait-il qu'il sacrifiât au devoir maternel son propre bonheur, celui de l'homme qui avait mis en elle tous ses espoirs? Elle se tut enfin. Il n'avait pas fait un mouvement. Il n'avait pas laissé tomber une parole. Il releva la tête. Il était livide. Ses tempes, qu'il avait convulsivement serrées, portaient la trace rouge des doigts enfoncés dans la chair. « Je verrai celui que vous aimez. Je lui parlerai. Vous serez heureuse. » Il alla à la fenêtre, appuya son front brûlant contre la vitre froide, puis au bout de quelques instants, revenant. « Adieu, » fit-il. « Vous partez. Il le faut. » N'était-il pas convenu que vous attendriez ici René ? Dans 5 minutes, il sera ici. Que se passe-t-il ? Vous ai-je fâché ? Elle s'était avancée pour lui barrer le chemin de la porte. Il la devança. Adieu. Et il sortit. Dans l'antichambre, les petits garçons que leur mère avait éloignés et qui jouaient accoururent. Il se pencha pour les embrasser. Il avait les yeux pleins de larmes. Se ravisant brusquement, il le repoussa avec colère. Au moment où la lourde porte cochère retombait derrière lui, sur le trottoir, à travers les voiles du brouillard, il distingua une silhouette masculine s'approchant à grands pas. René Marin. Il se jeta dans l'ombre épaisse que faisait à deux pas la saillie d'un magasin placé hors de l'alignement des maisons. René passa sans l'apercevoir, le nez enfoncé dans le collet du paletot, chantonnant, tout à son honneur et à ses espérances, un seul âme en guerre.